بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. انهزام الحق يبرز نفسه. أي والله بارك الله فيكم. تجلد للتصدي بعد سنين من الكلام، ذهب يبخش يبخش يبخش ما يجد له من الانتقادات، وجد قضية الجامعة ففشل فيها فشلا ذريعا. ولا إله إلا الله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال وقع في مسلك أعداء هذه الجامعة من أهل الأهواء. لا والله، أنا وقعت في مسلك أهل السنة. كلامي كلام أهل السنة في هذه المسألة بالذات، هو كلام المشايخ السعودية وكلام الذين عايشوها من طلاب العلم والذين رأوا ما فيها. كيسكون تخديس الباطل، أما الحق لا، فلهذا تدخل فات كونتراديكسيون في كتاب الله أبدا. C'est pour cela que tu trouves pas de contradiction في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهزام الحق يبرز نفسه. أي والله بارك الله فيكم. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي كلام الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في الجامعة. ونستفد ولله الحمد. سكي خيتك الجامعة سيبا من حسد أو عن جهل أبدا. Il y a des choses qu'ils ont changé. Et Cheikh Abdel Mohsin, c'est une des personnes les mieux placées pour en parler. Et il en a parlé. Voilà, Ahadn Taqad Ali. Falimada, quand Cheikh Yahya, Havidahullah, il a parlé, Ntokid Ali. C'est ça la contradiction que nous, en tant que talib ilm et en tant que personne qui recherche le haq, on n'a pas accepté. Et celui qui n'est pas d'accord, Bainana wa Bainahu, At-Dalil. Et le waqi' kadalik. Et l'yom, on va lire des autres kalam. On avait lu kalam Cheikh Abdel Mohsin, et l'yom, kalam kadalik Cheikh Rabi'. Khudu al-manahid, wahdaru al-hizbiyin. Kalam, on avait démontré, c'est le même kalam que Cheikh Yahya. Walakin al-hawa. Wal-yom, naqra kalam Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali. Qala. كما نشر عنه في الشبكات كثيرا بل on a entendu l'audio, il est منشور كذلك حتى لا احد يقول il vient d'où ce كلام معروف ما اظن احد ينكره il est منشور بصوته il lui demande et il répond قال وهل الجامعة الإسلامية كلها سلفيين اي est-ce que dans la jamia islamia il y a que des salafis. قال فيها الخلفيين باختلاف أنواعهم. فيها الخلفيين أي des gens qui contredisent le manhaj salafi de toutes sortes. إخواني طوفي خارجي tous ces أنواع أشعري tous ces أنواع ربما tu les trouves. قال وأنا هذا ما قلته الآن. يقول هكذا يدي moi cette chose que je dis الآن il y a longtemps que je le dis. لماذا من تقد عليه شيخ محمد بن هادي إلى المدينة، شيخ عبيد كذلك إلى المدينة. لماذا ما انتقدوا عليه؟ لماذا للطلاب كي ont suivi شيخ عبيد par rapport à شيخ هذا مسألة الجامعة لماذا ils n'ont pas été منصف بعضهم؟ شيخ عبيد dit une chose, شيخ محمد بن هادي dit autre. Quand شيخ يحيى ils ont trouvé son كلام et c'est le même que شيخ محمد بن هادي, le même que شيخ ربيع انتقدوا على شيخ يحيى. لماذا ce manque d'insaf؟ قال قال وأنا هذا ما قلته الآن أقوله من القديم أي longtemps شيخ محمد الهادي dit lui-même il y a longtemps il pense cela et c'est حق et connaît lui aussi الجامعة إلى المدينة. Combien d'élèves de Jami'a ils vont le voir à ses assises, ils lui posent des questions, ils lui citent des choses. Il connaît très bien هذا. قال أقوله من القديم أن ما أكثر الخلفيين فيها. تأمل في قوله ما أكثر. أي beaucoup de خلفيين فيها. لماذا الشيخ عبيدي reproche à الشيخ يحيى quand il a dit il y a des حزبيين, lui veut faire croire أنه لا. قال فيها جميع الأهواء. هكذا il a conclu بهذا فيها جميع الأهواء. Tous les égarements tu les trouves. جميع الأهواء. On remplace le nom de Cheikh Mohammed ibn Hadi par Cheikh Yahya. Et tu verras. لو قال مثل هذا avec cette صراحة فيها جميع الأهواء. Qu'est-ce qu'il aurait dit Cheikh Ubay? لكن لماذا Cheikh Mohammed ibn Hadi les propager le kalam? ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع comme on a vu. T'as pas le droit de délaisser un munkar alors qu'il y a un besoin de démontrer ce munkar. لماذا ما رد عليه? لأن الكلام اللي واضح يبقى برد sur une chose réelle, une chose véridique, une chose qui se passe. لكن avec Cheikh Yahya c'est autorisé هذا لكن ما صعب مخشي ولله الحمد. قال أسأل الله العافية والسلامة فهذه سنة الله. Donc كلام شيخ عبد المحسن, كلام شيخ ربيع, كلام شيخ محمد بن هادي. On est déjà à trois. Rajoute un quatrième. ما نقله الشيخ يحيى كذلك في التوضيح أي للرد شيخ عبيد بقى الجامعة إلى غابورتي كلام شيخ محمد الإمام. قال الشيخ محمد الإمام الجامعة مرت بمرحلتين. Il démontre que la jami'a, tu peux citer deux étapes à la connue. Une étape à l'époque de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Mohamed Ibrahim, Qabla, ils ont fondé la jami'a et elle a été à la sunna un long moment, Tullab ou Mudarrisin. Et c'était min aqwa al jami'at et c'était un des bastions du Minhaj Salafi. Il y avait une quwa azima. Première marhala. Et deuxième marhala, ce que Cheikh Yahya a cité, Cheikh Rabi a cité, Cheikh Mohamed ibn Hadi et Cheikh Abdel Mohsin. كذلك ce kalam, c'est un rad à la Cheikh Ubaid. Tadkurun, lama qal al-jami'a al-islamiyya ussisat à la sunna mundhu nasha'at hatta al-yawm. Hakada il avait dit. Il avait dit que al-jami'a a été fondée sur sunna et jusqu'à aujourd'hui. Aïe, son kalam, il montre que pour lui, il n'y a pas eu de changement. Cheikh Mohamed l'imam, là, il montre deux marhala. Le Cheikh Yahya كذلك, quand il a dit qu'à l'époque de Cheikh Ibn Baz, et il a parlé en bien de Jami'a, tout le monde il a montré, ça montre qu'il y a deux étapes. Le Cheikh Al-Muhsin كذلك, il a montré ces deux étapes. Quand il a dit, j'ai connu la jeunesse de Jami'a avec ma jeunesse. Tout le monde avec ma vieillesse, j'ai connu la vieillesse de Jami'a. Et il a démontré à l'époque de Cheikh Ibn Baz, les deux savants qui l'ont fondé, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Mohamed Ibrahim, elle était qawiyya. Ça montre deux marhala كذلك. لماذا الآن الشيخ الإمام كذلك لماذا الشيخ عبيد لا يرد على هؤلاء كلهم qui montre qu'il y a une différence entre la fondation et le départ et aujourd'hui لماذا لا يرد عليهم. قال الشيخ محمد الإمام قال الأولى première étape أقيمت وصيرت على منهج سلفي نقي واستمرت على هذا مدة. Première étape elle a été fondée sur le منهج سلفي, pas de حزبية, pas de بدعة, pas d'afkar. C'était un manhaj salafi wadih. À la tête des ulama, bel a'immat al-asr, que Cheikh Ibn Baz, son cheikh, Cheikh Mohamed Ibrahim, et les mudarrisoun, ils sont connus. Cheikh Rabi', Cheikh Al-Albani, Cheikh Abdel Mahsin Abbal. Les mudarrisoun à cette époque, c'était rous al-da'wa salafi. Parmi eux, Cheikh Al-Albani, Cheikh Abdel Mahsin, Cheikh Rabi'. Ou kathir. Kathir min al-ulama, ils étaient là-bas, ils étaient des professeurs. C'était une quwa azima. Et chaque salafi, yafrah bi hada. Et chaque salafi, il espère que ça continue. Là, quel qadr Allah, ma sha'afal. Qala, thumma hasala at-tamkin. Deuxième étape. Ta'ammal son qawl an, thumma hasala at-tamkin lil-hizbiyin. Fi ba'd umur al-jami'a. Thumma lil-hizbi, ils ont eu des places. Tamakkanu. Ils ont pris le dessus dans certaines choses sur le jami'a. On a donné les exemples, Cheikh Yahya, quand il avait cité, certains tollabs qui étaient à demain, ils ont rapporté, ils sont partis s'inscrire. Et dans la lejna, le comité des inscriptions, il y avait des hizbi. Ah, il le cite là. Tamakkan. Ils ont eu des places. L'imam d'Allah yarud ala Cheikh Mohamed l'imam. Qala واستمرت على هذا مدة ثم حصل التمكين للحزبيين في بعض الأمور الجامعة فصارت المرحلة هذه تختلف عن المرحلة الأولى. Donc il a démontré à la deuxième étape, elle n'est pas comme la première. Abadan. Il y a eu un changement. Le changement que Cheikh Ihaï a cité. Là, Akhtar, il a cité ce que l'ulama il cite. قال تختلف عن المرحلة الأولى من الصفا والنقاء وعدمه. Donc il y a une différence par rapport à النقاء والصفا. النقاء والصفا c'est quelque chose de pur. مثلا au départ, elle était à la manhaj salafi واضح. ثم il y a eu un changement. Donc c'est plus comme c'était au départ. C'est quoi le changement qu'il y a eu? Comme a dit Tamkin al-Hizbiyyin. Donc, ma adhan, ahad yunkir anna fil jami'a ya des Hizbiyyin. Ma adhan. Bel, ulama, il le démontre. Hada al-kalam, Cheikh Yahya l'a cité fait tawdih. Bel, comme je vous ai cité auparavant, Abdurrahman al-Adani lui-même. Il a un kalam fil jami'a. Lakin huna wadi ajaib. Lana haqiqa hadha sarad qawi ala Ubayd al-Jabir. Lakin regarde la hizbiyya, qu'est-ce qu'elle fait d'une personne? Il va admettre anna al jami'a al-islamiyya fiha hizbiyyin. Bel, il va interdire d'aller étudier hunak. Thomas Cheikh Yahya, il a cité son kalam. Quand il a rad sur Ubayd, il a cité un Abdurrahman lui-même. Yaqul kada, vous allez voir le changement. Tanaqud. قال عبد الرحمن العدني هداه الله حقيقة الجامعة الإسلامية كانت قبل من الصروح العلمية الصرح سي كلك شوز دو قوي من الصروح العلمية الشامخة في الدنيا لا première étape qu'ils ont tous cité هذا lui aussi la cite et là c'est واضح tout le monde والله on pensait pas أنه y aura un khilaf dans cette مسألة. Tout le monde cite ça. À la première étape, il y avait de la pouvoir. À l'époque de Cheikh Ibn Baz, il a akhiré. Il le cite. C'était un des endroits où la ta'wa était la plus forte. Dans le monde, la Médine, la Jami'a. Qala undijat, antajat wa akhrajat al-ulama. Sahih. Kam min ulama ils sont sortis de là? Kam? Wa talabat 'ilm aqwiya. Et des salafis qui étaient à la khair, ils sortaient min hadil jami'a. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui il n'y en a plus, abadan. Lakin, il faut faire une différence entre l'époque où il n'y avait pas d'afkar, il n'y avait pas de hizbi, et cette époque où ça affaiblit. Hada la ahad yunkiru. Qala, lakin fil awinat al akhira, deuxième étape. Tassallata alayha kathir min al hizbiyin. Kathir. Et mada tu reproches à Cheikh Yahya, qu'a fait la différence? Il a dit, il y a des hizbi, que ce soit prof ou élève, et il y a des sunnis. Fréquente les sunnis. Et attention aux hizbis. Al-An, Abdurrahman al-Adani, il y a qu'on tassalata alayha kathir ou la hizbis. Beaucoup de hizbis. Qala min mudara, avec des directeurs, ils ont des hautes places. Ou amudarrissin, ou adakatira, des docteurs. On l'a vu l'exemple avec les djan al-tajjid, ceux qui enregistrent les tollas. On l'a vu, nous. قال والإنسان لا يأمن على نفسه أن يحضر محاضرة لحزبي أو يحضر دورة صيفية يشارك فيها جماعة من المدرسين الحزبيين فكيف بدراسة تستمر على أقل تقدير 4 سنوات. عبد الرحمن يقول أن الطالب يبقى s'asseoir ولو une محاضرة avec un حزبي. Léanao, il a peur pour son cœur. Thomas a dit Kayf al-An, al-Jami'a, le cycle le plus bas, niveau année, Robama c'est 4 sanawat, 4 ans. Abdurrahman al-Adani, il montre comment il va rester 4 ans avec des Hizbis, comment il va devenir son cœur. Est-ce qu'il encourage à aller vers le Jami'a? Abadan. Ce kalam al-An, on va vous citer la date, Hadha al-Kalam, 1426. Combien d'années avant la fitna? Par rapport à la Jami'a, les redoux entre Cheikh Yahya et Cheikh Ubayd, 3 ans. Les redoux entre Cheikh Yahya et Cheikh Ubayd par rapport à la Jami'a, 1429. Cheikh Ubayd l'a reproché à Cheikh Yahya. Abdurrahman Adani l'a parlé en 1426. Qala, wa hadha al-doktour Hizbi, wa hadha sururi, wa hadha qutbi. Il démontre l'an, les docteurs, ceux qui ont le doctorat, des professeurs, ils ont des hautes places. Hadha sa Hizbi, hadha sa sururi, hadha sa qutbi. Des ikhwan. Qala, wa hadha indahu mayl ila at-tasawwuf. حتى الصوفية. قال فحقيقة ما يأمن الإنسان على نفسه. Hey, tu peux pas être en sécurité au milieu de هؤلاء. Cheikh Yahya, ماذا قال؟ Tu peux pas être en sécurité, donc fais attention et reste avec les salafis. هكذا قال شيخ يحيى. Et il lui a été reproché هذا. اسمع. قال وهكذا الجامعة الإسلامية يسلم فيها من يسلم ويسقط فيها من يسقط. Des frères, ils sont partis à la jami'a. بعضهم Alhamdulillah, il s'en est sorti, ba'duhum, il est tombé. Ma'a al-hizbihim. Qala sabab, bi sabab wujud al-mudarrisin. Aïe, des professeurs. Qala ya akhi, 4 ans. Wa hada mudarris doktour, wa anta talib, yu'atik, ma yu'atik. 4 ans. Rubama ton professeur, c'est un hizbi. Toi, t'es un élève, t'es venu pour profiter de lui. Et il va te donner du ilm en apparence, et il va te donner l'hizbiya ma'a. Qala, falladhi nansah bih. الآن يبعكم سيئة بخطوصة فالذي ننصع به الإخوة هو عدم الذهاب إلى هناك يبعكم سيئة دباء علي هناك الشيخ يحيى الذي تجيب انتبه تجيب انتبه هذا يقول لا تذهب إلى هناك تجيب لا تذهب 1426 on a jamais entendu une kalima allez propager هذه الكلمة عند أتبع العدن أنا قد يقول قائل ما شيخ عبيد يسابق با لكن ceux qui sont تعصب عبد الرحمن العدني يسابق إلا دي أتماش كل موصى بهذا الكلام نحن on n'a pas reproché لماذا لأننا on est d'accord أن الجامعة الإسلامية فيها حزبية فيها أهل السنة et celui qui y va pas c'est son choix et celui qui y va il fait attention لكن هم لماذا عبد الرحمن العدني quand il a parlé en 1426 ils sont d'accord donc vu qu'ils ont rien dit شيخ عبيد يكريد شيخ عبيد يسمى ديك شيخ عبيد لماذا التناقض. Normalement, une personne juste, elle dit « Là, t'as reproché à Cheikh Yahya, voilà où je ne suis pas d'accord avec lui. » Abdurrahman Adani, il a dit la même chose. « Ah, mais un jour, vous êtes pour, un jour contre, là. » Lakin Abdurrahman Adani, il a su tout ça. Et il sait que ça allait faire des problèmes. Il a été obligé de revenir à Nahad al-Qaw. « Qala » Donc, on finit le kalam al-awwal. « Qala man arada al-ilm » Donc, il a conseillé de parler à la jami'a. Thumma il démontre où il faut aller. Man arada al-ilm fa'alayhi an yadhhab ila al-ulama fi al-mamlaka fi al-Yaman wa fi ghayri dhalik. Lui conseille d'aller directement عند العلماء. Qala amma an yamshi ila jami'a ila al-jami'a li ajli al-shahada fama satastafid. Il démontre où il n'y a aucune faïda al-an. Tu vas à la jami'a pour un diplôme, mada tastafid. Il y a des hizbi, tu peux t'égarer. Qala الإخوة الذين يلتحقون بالجامعات خاصة في هذه السنوات الأخيرة ما رأينا فيهم من يوفق. Les dernières années, il parle en 1426 là. Il dit les frères qui ont été dans ces jami'at, que ce soit le jami'at Bil Madina ou autre, et ça montre où il parle pas que de jami'at islamiyah, il parle de beaucoup, de toutes. Il a dit Bil jami'at, c'est un lafd' umum, ça implique toutes les jami'at. Il dit ceux qui sont partis à jami'at, on n'a pas vu un qui s'en est sorti. Umum. Il a dit, on n'a pas vu un qui s'en est sorti. Ma ra'ayna bihim man yuwaffaq. On n'a pas vu un yuwaffaq a ila al-ilm wa sunnah. Est-ce que tous les kalams qu'on a lus, il y a un kalam aussi direct et aussi dur par rapport au jami'a que hada? La. Falimada as-sukut ala Abdurrahman wa ta'an fi Cheikh Yahya. On parle dans cette mas'ala et on est au début de la fitna. Limada. Ce manque d'insaf, il a poussé Cheikh Ubaid à arriver au qu'il en est. Et il a poussé Abdurrahman Adani à s'écarter encore plus. Et certains, ils ont été dans l'embarras. Les Nabardanes, ils savent très bien. Ils ont lu, ils ont suivi. Ils ont été dans l'embarras. Lakin fil haqq, il n'y a pas d'embarras. Esta' bima tu'mar, dis le haqq bi wudu'h. Celui qui est content, alhamdulillah, c'est ton frère, il est à la haqq avec toi. Celui qui n'est pas content, aham shay, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de toi. Amma l'an, comment veulent un, ceux qui essayent d'aimer de satisfaire les gens, comment il va faire? Il a dit ça, l'autre il se contredit, un troisième il dit comment tu vas faire? T'es un être humain, t'as qu'un cœur. Et avec le haqq, et celui qui veut pas le haqq, ma yadurruk, abadan. Donc, 1426, le 23 de Rajab, c'est enregistré, l'audio il est manchour, Cheikh Yahya, il a cité ce passage dans le rad qu'il a fait à Cheikh Ubaid pour lui dire tu me reproches à moi, isma. Parce que Cheikh Ubaid en même temps il faisait tazkiyah à Abdurrahman Adani. Il lui a dit isma, celui que tu fais tazkiyah, moi tu me reproches ce point, regarde ce qu'il a dit. Cheikh Ubaid il n'a pas répondu, lakin Abdurrahman il a été obligé de répondre. Mada qal? Qal Abdurrahman Adani, 1429, 3 ans après. Awalan, pourquoi il a attendu 3 ans? Combien de gens de 1426 à 1429 ils ont pris sa fatwa, ils n'ont pas été à Al-Jami'a? Combien? En 3 ans. Probablement, un, il voulait du khay, Il voulait aller à Al-Jami'a, rester qu'avec les salafis, comme certains conseillent. On a vu Cheikh Yahya, Cheikh Rabir. Cheikh Rabir, il n'a pas dit n'y allait pas du tout. Cheikh Yahya, il n'a pas dit n'y allait pas du tout. Là, ils ont fait un tafsir. Le tafsir, il est taïb. En 301, l'imada, il n'a pas parlé avant. L'imada, il a attendu la fitna pour parler. Et là, pourquoi? Pour faire du mal à Cheikh Yahya. L'Ena, il sait que ce kalam, il était en faveur de Cheikh Yahya. Et Cheikh Ubayd, il est en position, il s'est contredit. Il a critiqué Cheikh Yahya, il est obligé de critiquer Abdelrahman Adani. Lakin, pour éteindre Hada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé Abdelrahman Adani, fait Tawba. Comme ça, il ne reste plus que Yahya al-Hajouri. Là, il reste Cheikh Rabi, il reste Cheikh Mohsen Abbad, il reste Cheikh Mohamed ibn Hadi. Comment vous allez faire? Ils vont revenir, ils vont dire là, le Jami'a allait bien totalement. Abadan. لكن ترى قال 1429 قال وأنا مع قولي السابق أي سكون علي بأنه قد تسلط على الجامعة الإسلامية في الآونة الأخيرة كثير من الحزبيين بناء شوف على التلاعب نعوذ بالله الذي on l'a lu لكن الآن il va faire une précision ce que j'ai dit بناء على ما بلغتنا من أخبار عنها ce que j'ai dit c'était par rapport aux informations que j'ai reçues. Ah, heureusement, l'étude d'une chose, c'est par rapport aux informations que tu as reçues. À moins que tu es un menteur, tu vas dire des choses, tu inventes. Il y en a un, il est en train de dire, moi ce que j'ai dit, c'est par rapport à ce que je savais. Non, mais c'est toi qui as parlé, tu vas pas parler par rapport à moi ce que je sais. Chacun il parle par rapport à ce qu'il sait. Tala'ub. L'un, il essaie de trouver un makhraj pour s'en sortir au milieu al-kalam. Qala, wa ma'a dhalik, falam aqul bi annaha qad kharajat anis salafiyya. Al-An, il essaie de démontrer, moi je n'ai pas dit que Al-Jami'a ce n'est pas des salafis. Pourquoi alors tu t'en sors bi'adam al-dahab? Pourquoi? Dans ce cas-là, tu aurais dû faire un tafsir. Tu aurais dû dire que ce n'est pas totalement des hizbis, comme il a dit chez Rihir. Il y a des hizbis, il y a des salafis, allez chez les salafis. L'imada tu dis la ansah bi'adam. Et l'imada tu dis pendant des années, la yuwaffaq ahad. Ma ra'ayna man wuffaq. L'imada. Qala. بأنها قد خرجت عن السلفية وصارت حزبية وأيضا لم أقل بتحريم الدراسة فيها لماذا تجي أنصح بعدم الذهاب سيسي طيب مشروع جالي جالي زي أما تجي لا أنصح بالذهاب تبادي سي حرام لكن سي كوالا ديفيرونت حرام إلا أنصح بالذهاب لا بيرسون إلي إلي غاباس إلي كوت تنصيحة إلي توتا في تنصيحة بور تسوى إكوتي قال Al-An, vous avez vu comme ça a changé. Il n'y a plus le kalam shadid qu'il avait au départ. Al-An, il y a des droits. Al-An, il y a des pressions par derrière. Il ne peut plus dire ce qu'il veut. Amma, à l'époque, 1426, là, il est à Dammaj, il est avec ses frères, et il dit ce qu'il pensait être haq. Lakin, voilà, ça change. Al-An, il y a une hizbiya en jeu. Al-An, il y a des têtes à faire tomber. Al-An, il y a des places, il y a de l'argent. Ça change tout. Qala wa amma nushi al-sabiq. Il sait très bien quand il dit. J'ai pas interdit d'y aller, lakin il sait très bien qu'il avait déconseillé. Alal aqal si on emploie ce mot. Bi adam al-dhahab. Qala wa amma nushi al-sabiq bi adam al-dirasa fiha lima dhukir fil jawab. N'am. Est-ce que Cheikh Hel a rapporté annahu il conseille de ne pas y aller ou adam al-dhahab, n'am. Qala anna at-tafarrugh lid-dirasa 'inda ulama' as-sunnah fi ghayr al-jami'at anfa'. Al-an il veut montrer que c'est mieux. De parler à Al-Jami'a, c'est mieux d'aller chez les savants. Lakin, tu peux y aller. C'est comme ça qu'il va conclure. قال انفع وابرك واسلم للطالب ولكن قد لا يتسنى ذلك لكل احد. الان il est en train de dire نعم aller chez les ulama comme j'ai dit c'est mieux l'après, lakin c'est pas tout le monde qui peut y aller. Donc tu peux aller à Al-Jami'a. هكذا il va s'en sortir. قال واما قولي لم نرى من وفق. Vous avez remarqué les deux points qu'il a cités. C'est les deux points où il a eu de la dureté. Ne pas y aller, et on n'a vu personne s'en sortir de ce jami'a. Aïman wuffiq fil ilm wa sunna. Qala wa amma qawli lam nara man wuffiq min tullab al-jami'a fi hadhihi as-sanawat al-akhira, fa hadha qultuhu bina'an ala ma 'alimtuh. Hay c'est par rapport à ce que je savais. Ya akhi, c'est wadih hada. Ana je dis un kalam là, je dis un mensonge. Comment vous me reprochez? Je dis non, mais j'ai dit par rapport à ce que je savais. Heureusement. Heureusement que tu ne parles pas par rapport à ce que Cheikh Foulani pense. On ne s'en sort plus à ce compte-là. Ce compte-là, tu me reproches une chose, je te dis là. Moi, j'ai parlé par rapport à Cheikh Foulani. Ne me reproche pas à moi. C'est l'autre, j'ai parlé en son nom. Allah, ala tala'ub. Ba'da al-nas, al-jahl, wal hawa, ils ne vont pas mettre la hala. Et ba'da al-nas, dès qu'ils ont lu Kalam Abdelrahman al-Adani, comme on a lu dans certains passages, certains sites, ils me disent, Masha'Allah, regardez la modestie. Masha'Allah, regardez comme il revient au haqq. Masha'Allah, regardez comme il ne s'entête pas. C'est tala'ub. celui qui a du insaf et un peu d'ilm, il voit que c'est du tala'ub. قال واما قولي لم نرى من وفق من طلاب العلم هذه السنوات الاخيره فهذا قلت بناء على ما علمته. قال في مجتمعنا, il dit moi j'ai vu ça, j'ai parlé par rapport à ce que je savais dans notre mujtama ay au Yémen. قال ممن حولنا من طلاب الجامعه انذاك, c'était à l'époque. قال وقد يسر الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات الثلاث الاخيره. Il y en a, c'est très bien que les gens ils vont le reprocher. L'imad à 1426 à 1429, tu t'es tué. T'as pas parlé. Il dit non, ces trois années, alhamdulillah, j'ai rencontré des tollahs et le jami'a, ils sont masha'Allah. Donc le jami'a en fait, elle n'est pas comme je l'avais dit, et comme soi-disant le hadjouli l'a dit, elle est mauvaise. C'est ça qu'il veut conclure. Qala, bitta'arruf. على مجموعة طيبة من إخواننا اليمنيين من طلاب الجامعة الإسلامية وخريجها وهم أهل السنة واستقامة وعلم وفضل. نعم هذا إلى كونكلو بهذا. المشكلة c'est qu'en 1431 الشيخ عبد المحسن عباد il a montré que le jami'a c'était ça s'aggrave. هو الآن vous avez remarqué que par rapport à ce qu'il savait 1426-1429 ça s'est amélioré pour lui. العلماء ils montrent qu'au contraire ça s'aggrave. على كل حال, on met la parole de عبد الرحمن عدني de côté. Il s'est trompé, il est revenu, on ne rentre pas dans sa niya tayyib. L'imad a reproché à Cheikh Yahya. Al-an, elle est où la différence entre Kalam عبد الرحمن عدني et Kalam Cheikh Yahya? L'an, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh Ubayd al-Jabiri? Tadkurun, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait imposé trois choses à Cheikh Yahya. Parmi ces choses, de dire que le jami'a est à la salafiyya, tous. عبد الرحمن عدني, il l'a pas dit. عبد الرحمن عدني, il a pas fait les trois choses. On les récapitule de Cheikh Ubayd al-Jabiri. Talat Omour qu'il a dit à Cheikh Yahya, il doit revenir. Et on va appliquer sur la parole d'Abd al-Rahman Adani la deuxième, pas la première. La première, on la délaisse. Il l'a délaissé ou on la délaisse. La deuxième, Isma. قال الشيخ عبيد ولا يكون الرجوع صحيحا. Le rejour de Cheikh Yahya, il ne sera pas sahih tant qu'il n'appliquera pas trois choses. Donc, Abd al-Rahman Adani, son rejour, la première parole qu'il a dit, il ne sera pas sahih tant qu'il n'applique pas trois choses. S'il y a une erreur de Cheikh Yahya et une erreur d'Abd al-Rahman Adani, les deux doivent revenir. أما dire que Cheikh doit revenir et l'autre là, c'est un manque d'insaf. On va appliquer les trois points. أولا الثناء على الجامعة الإسلامية بالمدينة. عبد الرحمن العدني il a pas fait un ثناء على الجامعة الآن, le deuxième كلام. Il a dit ces trois dernières années j'ai connu certains élèves yéménites, ils sont à la khayr. Est-ce qu'il a dit toute la جامعة? Là. Premier point, il l'a pas. Deuxième point, اعترافك بالخطأ. Est-ce qu'il a اعترف بالخطأ? Il a dit astaghfirullah wa atubu ilayh, je me suis trompé dans ce que j'ai dit là. Il a dit moi c'est pour, j'ai parlé par rapport à ce que je savais. Nous on répond Cheikh Yahya, il a parlé par rapport à ce qu'il savait. Troisième point, tabri'at al-jami'a min al-hizbiyya. Troisième point, il doit dire que le jami'a il n'y a pas de hizbi. Est-ce que Abd al-Rahman Adani il a dit le jami'a il n'y a pas de hizbi? Là, il a dit les trois dernières années j'ai vu des gens qui étaient à la khayr. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hizbi. Ben, la haqiqa, le kalam d'Abd al-Rahman Adani à la fin, quand il dit j'ai connu des tollabs maintenant qui sont à la khayr fil jami'a, la haqiqa c'est le même kalam que Cheikh Yahya. Là, Cheikh Yahya qu'est-ce qu'il dit? Il dit fil jami'a il y a des frères bien, des modéristes bien, des salafis, et il y a des hizbi. Abd al-Rahman Adani, un, il disait qu'il y avait des hizbi. Deuxième parole, il a dit il y a des frères bien. Ça revient même. Il y a des frères bien et il y a des hizbi. Le même kalam. Rajoute le même kalam que Cheikh Rabi', rajoute le même kalam que Cheikh Mohamed ibn Hadi, rajoute le même kalam que Cheikh Mohamed l'imam. Falimada, les trois points, c'est que pour Cheikh Yahya. Il doit dire jami'a, il n'y a pas de hizbi. Que Cheikh Yahya. Les autres là. Hada. Al-Munsif, inshaAllah, après hada al-kalam, adhan jami'a l'islamia, n'en parlera plus de cette mas'ala. Vous avez remarqué que cette mas'ala, ils n'en parlent plus? Vous avez déjà entendu le 1? Abadan, ils sont passés à autre chose. Thomas, ils sont passés à 1420, les Abu al-Hassan, ce qui reprochait à Cheikh Yahya. Hada, il y en a, ils n'avaient plus. Inch'Allah, ça viendra. Qalil, qalil. Hada alladhi aradna. Fala yajouz at-tanaqud. Tanaqud, t'as pas le droit. Tu dois revenir au haqq. Kadhalik, on a cité, na'am. Limada, il n'a pas ma alzam. Ceux qui ont parlé sur le jami'a, taqaddam. باقي وقت انتهى. Et demain بإذن الله on verra التناقضات, لأن الآن on arrive à une étape après le jami'a 1429. الآن on va rentrer les années 1430-1431, les redoutes entre Cheikh Ubayd et Cheikh Yahya après le jami'a. Et Cheikh Ubayd il a bidda Cheikh Yahya, Cheikh Yahya il a hazib Cheikh Ubayd. On va arriver à cette époque et on va voir les التناقضات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق.com